pas plus que les gens qui dansaient. Alors, c'est Alastair Sin, de groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur Arcuset 95 FM. Eh bien, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM. Bonsoir Sylvain, bonsoir Slasher. Eh bien, bonsoir Monsieur Scream, bonsoir Slasher. Alors... Bonsoir, c'est quoi ce bruit d'ordinateur? Ah bah écoute, pour une fois que c'est pas ton père. Ah bah oui, tant que c'est pas ton père. Maintenant, je ne gêne plus. En forme. La révolte de Sylvain. Bah écoute. Il pèle dehors. Hein. Il fait très froid. On nous est bien en chaud. Russie. On a des stalactites qui nous pend au nez. Vaut mieux au nez que des stalactites. Enfin voilà. Alors, au programme de cette émission, bah, beaucoup de nouveautés. Et aux alentours de 20h, en parlant de Russie, justement, on a une Russe qui va nous téléphoner. Ah, bien ça. En parlant de Russie, nous aurons la chanteuse de Waverly. Lies North. On avait déjà eu l'occasion de faire une interview il y a un peu plus d'un an avec ce groupe pour leur premier album. Là, c'est leur deuxième opus. Donc, on aura l'occasion. Ils nous ont demandé de parler un peu plus calmement parce qu'elle n'est pas encore tout à fait habituée. Bah oui, il faut parler lentement. À la langue française. Mais voilà, on fera ça et il y aura beaucoup, beaucoup de nouveautés. En plus, c'est un peu de remue-ménage car le Slasher est en train de monter le sapin de Noël. Oui, le sapin qu'on essaye de faire tenir. Donc, s'il y a des métalleux un petit peu forts là qui nous écoutent, n'hésitez pas à venir dans le studio pour nous aider à monter le sapin. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite avec Asphalt Horseman avec le titre Merci, thank you. Bah, nous, on vous remercie parce que bon, ça fait quand même quelques années que vous supportez nos conneries quand même. Oui. Et on va s'écouter donc thank you, extrait de l'album Brotherhood. On se retrouve tout de suite après. Gonna change. Some will stay the same. With every breath you take, you make me leave every day. Some will say C'est du bon rock'n'roll. Du très très bon. Voilà. Exactement. C'est Asphalt hors semaine avec donc le titre Thank You, merci. Voilà, voilà, vous êtes bien branchés sur le 95FM hein, avec Sylvain. Émission Rive d'Enfer. Avec Sylvain, le slash, leur slasher. Slash, il serait là, on serait content. Non, mais toi aussi, t'es là, on est content. J'ai l'impression d'avoir slash, mais avec une perruque verte. Voilà, n'oubliez pas qu'à partir de la semaine prochaine, lundi, commencera la fameuse hôte du Père Noël. T'as vu toute la pile de CD qui est là, il y en a un temps encore. Hein, donc, voilà. Donc, on va s'écouter. Écoutez d'abord encore un titre, le temps qu'on essaie de trouver N'oublions le système. N'oublions pas qu'on a un gagnant, n'empêche. On oublie de l'annoncer. Ouais, ouais, c'est juste pour Maurice. Pour notre ami Maurice Wacken, pour la Saint... Sainte-Cécile, Sainte, je sais pas quoi. Sainte-Cécile, fête des musiciens. Oula, ce soir, on n'est pas en forme. Ouais. C'est le père de Saint, quoi. Non, c'est un Saint. Mais c'est Saint Barnabé, Saint je sais pas quoi. Non, c'est Sainte-Cécile. Voilà. Sainte-Cécile. Voilà, c'est bien. Wacken, on fait comme d'hab. Hein, quand on se croisera dans un concert, on te le filera parce que on va pas te l'envoyer par colis. Non, mais non. Voilà, il a dit non. Voilà. Bon, on croisera bien. On se croise tout le temps. Si c'est pas moi, c'est soit Sylval ou Slasher. Ouais. Donc voilà quoi. Quoique il est un peu jeune pour aller tout seul au concert de Slasher. Hein. Voilà, donc le prochain deal qu'on va s'écouter, c'est un groupe espagnolito. Olé. Olé. Mais bon, c'est bien parce qu'ils ne sont pas dans l'arène. Et on va s'écouter le titre Grind. Et c'est le groupe Bisto Blanco. Voilà, c'est parti, on se retrouve tout de suite après. Grind, grind, grind. Eh ben, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, ça, ouais. La voix m'a fait quand même un peu penser à du Rob Zombie, un peu. Du Rob Zombie ? Un peu sur les bords. Un peu sur les bords, mais alors du très bord. Voilà. Eh ben, c'est pas mal, ben, c'est espagnol, hein. Ça figure sur la page Rive d'Enfer. Ouais. Rive d'Enfer, donc voilà. Donc, c'est le groupe, c'était Bisto Blanco. Le prochain, c'est un peu spécial, j'ai eu dur à choisir la chanson, parce que j'ai écouté, je me suis dit, ah, waouh, c'est pas mal. Puis après, j'écoute un autre. Ah, c'est vraiment un album très, très, très éclectique. Le groupe s'appelle Corona. Je fais pas de publicité pour une certaine boisson. Corona Sky. En plus, c'est bien. Ouais. Corona et Sky. Quoique, ça doit pas être, ça doit être dégueulasse quand même, un mélange de Corona Sky, parce que déjà dans la Corona, il y a déjà de la tequila. Ça doit être quand même dégueulasse quand même, hein. Ça, alors, je sais pas. C'est Corona Sky et le titre s'appelle Big Boys Blue. Ça me rappelle aussi ça, c'est un vieux groupe Big Boys Blue, mais c'était plutôt à l'époque de la dance dans les années 80 avec Your Love Woman, un truc comme ça. Et l'album s'appelle Fragment of Reality. C'est pas mal du tout, mais si vous écoutez, si vous voulez prendre l'album, moi je vous conseille d'abord de l'écouter avant de l'acquérir. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être aimé un titre, peut-être pas l'autre. Quoi, c'est vraiment un truc très très mélangé. On passe de l'indus au heavy. Ça fait vraiment un mélange, quoi. Voilà, Corona Sky. Et puis après, on arrivera à un titre que tu as sélectionné. Voilà. Et puis après, ce sera le tour du slasher. Allez, ouais. C'est parti avec Corona Sky. Big Boys Blue. You can turn your head or close your eyes instead. You can walk away, you can leave him behind. Let's drown our sorrows with the next round of beers. For those who cannot fill their grown-up shoes, sing along with the Big Boys Blues. Back in the day, when you still knew his face, years old again. Voilà, donc c'était le groupe Corona Sky avec Big Boys Blue. Ben, c'est bien, hein. Oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors voilà, alors Sylvel, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Qu'est-ce que tu vas nous jouer? Je vais te mettre une petite nouveauté aussi. Donc c'est Front Back, donc un groupe d'origine Suède, avec le titre L'Ailleur. Ouais. Encore une fois, des Suédois. Hein. Bah oui. C'est là. Et... une belle pochette d'album avec un beau lion avec sa couronne. Ouais. Lion, le roi de la jungle. Peut-être le roi des rois. Le roi des rois ou peut-être le roi de Suède aussi, ça dépend. Peut-être, hein. Peut-être, peut-être. Voilà, voilà. Ah ben vas-y, je te laisse annoncer ton titre. Alors, c'est Front Back avec le titre L'Ailleurs. Allez, c'est pas mal du tout. Allez, c'est parti. Hop, je cherche et c'est par là. Donc c'était le titre, non l'album, excusez-moi, oh, je l'avais entendu, le mais c'est vrai, qu'avec ce groupe, on se plante. Le groupe Front Back, Oui. Donc avec le titre L'ailleurs. Voilà. Et je conseille vivement les gens à aller voir la page, parce que je suis sûre qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont entendu. Oui. C'est madame. Oui, une belle madame. Genre... Et franchement, elle est super belle. Hein, aussi bien que moi. sans commentaire, là. Non, mais voilà, c'est pas mal du tout. Et c'est vrai qu'on s'y perd parce que sur la pochette, il est marqué white, il est marqué machin. Ben oui, ça. Les pochettes, c'est pas toujours ouais, top, c'est pas top, évident. Top, hein. Même pour lire ou autre. Des fois, on comprend rien de ce qui est marqué. Ouais, mais ça, c'est plutôt dans le black metal, mais c'est bien, ça, il photographie une... Déjà, même les graphiques style carcasse et compagnie, des fois, qu'est-ce qui est marqué là-dessus. Mais là, ce qui est bien, c'est que donc, quand tu reçois et puis que tu... Ça dépend. Et encore, là, on a eu l'occasion de le recevoir, donc on a pu voir le titre et tout, mais il y a des fois des albums où ils te voient que le numéro line, piste 1, piste 2, piste 3, piste 4... Et voilà quoi, donc c'est pas évident parce que le slasher il me parle en même temps. Ouais, tout le monde parle en même temps ici. Ton numéro slasher c'est la dernière, la 10e. Voilà donc. Voilà, il y a le numéro 10 qui arrive, le gagnant est le numéro 10. Vous allez être surpris. Et ce qu'il y a, c'est comme on dit, des fois on nous envoie des chansons où il est marqué piste 1, piste 2, piste 3, puis après nous on doit le sucer de notre pouce, savoir qu'il y a les titres. Ben voilà. Voilà. Alors, Slasher, ta Slasher Song, c'est... Alors, là, je vais vous parler d'un groupe, tout simplement, que j'ai reçu l'album pour en faire une petite chronique d'album, voilà. Donc, c'est le groupe El Royce, donc, qui est un groupe français, donc, qui nous vient de Nantes, hein. Nantes, le Hellfest, etc. Donc, le groupe a été fondé en septembre 2002. C'est du bon hard rock, heavy metal de France, hein, mais ça chante en anglais. Donc, dans les membres, il y a Richard Royce au chant et à la guitare, Steph Désiré à la basse et au chant, Lolo Vernier à la guitare et au chant, et Maël Le Gallo à la batterie. Et donc là, on va s'écouter leur nouvel album, Black Saints of Bourbon Street, et on va s'écouter le dernier titre, Saint Louis Cimetière One, mais vous allez être surpris avec Scream. Et moi, quand on l'a entendu, on était surpris dans le bureau roulant. Pourquoi on ferait pas un petit concours? Si ça ferait penser à la chanson... Je sais pas, vas-y, lance ton concours. Hein. Celui qui aura trouvé l'extrême ressemblance de ce titre à un autre titre, gagnera un CD. Hein. Voilà, allez, c'est parti. Donc, t'annonces ton titre ? Donc, c'est le titre... Donc, c'est El Royce avec le titre Saint Louis Cemetery One. We'll be right back. Alors on va pas dire qui c'est, hein, quand même, hein. On va pas dire qui c'est, mais c'est reconnaissable, hein, n'est-ce pas? Ah, c'est très très très très très reconnaissable. Je vois pas qui du tout. Toi non. Oh, mais nous, Valérie. Nous on voit pas qui, nous on voit pas qui. Par contre, si vous trouvez, bah, vous envoyez les réponses. Et vous aurez un CD justement un peu dans le même style, hein, pourquoi pas le CD de Stop Stop. Non, on verra bien ça, le CD. Par contre, tu désannonces ton titre? Donc, c'était El Royce avec le titre Santa Louis Cemetery One. Voilà, alors, hop, je me penche et je fais... Allô? Oui, oui. Bonsoir, Annie. Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Oui, très bien, merci. Voilà. Donc on a l'occasion d'avoir Annie au téléphone pour qui est la chanteuse du groupe donc Beverly Light North. Beverly Light North. Bien. Elle parle très bien. Je dis très mieux moi. Très bien anglais comparé à moi. Donc tu voilà oui. Donc. Juste pour commencer, comment as-tu débuté dans le groupe? Edouard, c'est batteur de groupe. Oui. Il a contacté avec moi et depuis 2015, on a commencé enregistrer les morceaux. Oui. Je m'inquiète. Non, c'est très très bien. Si moi je pouvais parler russe comme toi tu parles français, je serais heureux. Je peux te le garantir. si. Donc, on t'a contacté depuis 2015. Alors. Parce que c'est un peu bizarre pour moi de parler comme ça, interview. Moi, mon français n'est pas très parfait pour répondre. Si, t'as un très bon français. Franchement, je t'assure. Est-ce que tu as participé à l'écriture de l'album ou tout simplement l'album était déjà écrit quand tu es arrivé dans le groupe? Oui, c'était déjà écrit par Edouard et Julien May. Et moi, je juste chantais, même je ne savais pas c'est quoi comme morceau, j'écoutais le piano, comment on joue le piano et... Je répétais, chantais. Et après, presque un mois, que je connais bien les morceaux. Oui. Parce que c'était un petit peu dur, enregistrement. Mm-hmm. Et je n'ai pas habitué avec ce style, parce que je chante première fois metal. Et donc c'est la première fois que tu chantais du métal, alors c'est ça? Oui, avant je chantais Led Zeppelin, Deep Purple, mais métal comme ça, j'ai jamais pas chanté, c'est la première fois. Mais je suis très contente que je fais connaissance avec les musiciens avec haut niveau. Et c'est bonheur de travailler avec eux. Mmh. Donc ça veut dire que tu viens d'une école plutôt hard rock que plutôt metal voices, voilà quoi. Avant, je chantais blues, du blues, jazz, rock, mais ça c'est la première fois, c'est une grande expérience pour moi. Et Edouard, mon batteur, il écrit la musique, il veut... faire la musique un petit peu comme la musique pour cinéma, film. Oui. C'est un petit peu différent. C'est beaucoup symphonique rock, metal. Mais moi, avant, j'étais comme jazz chanteuse de jazz. Moi, je m'inquiète parce que je suis désolée pour mon français. C'est rien, c'est très bien. C'est très bien. En plus, ça a un charme. Justement, as-tu déjà donné des concerts avec le line-up Beverly Light North? Non, pas encore. Pas encore. Et est-ce que tu, justement... Pas encore, mais... Je suis désolée, mais vraiment... je... Est-ce que vous avez déjà des dates planifiées? Oui, on a. Vous avez quoi que vous jouez quand éventuellement? On a contacté avec Music Booking. Oui. Donc vous avez un booker qui a calé quelques dates? Oui. Voilà, c'est dur, hein, c'est dur. Mais je te dis franchement, si moi tu me jettes au milieu de la place rouge, je serais perdu. Donc je tiens à te féliciter parce que sincèrement, c'est très dur pour toi et c'est bien, tu joues le jeu et c'est excellent quoi. Quelle est ta chanson préférée sur l'album Revelation of the Sunstone? Préférée, c'est les mêmes chansons, ça s'appelle Revelation of the Sunstone, nous voulons faire un clip bientôt. Et c'est très très jolie ballade, rock ballade. Et moi, je pense qu'un jour, nous pouvons présenter pour Eurovision aussi. Mais maintenant, on a contacté avec Music Booking. On attend de beaucoup de concerts que peut-être on peut chanter pour première partie, pour Nightwish ou autre très connu artiste. Oui. Et ça ira très très bien pour nous, pour être un petit peu connus. Je suppose que ce n'est pas toi qui as écrit la chanson Revelation? Non, toutes les chansons écrites deux frères, Julien et Ed May. Et c'est très très difficile comme style, et même les paroles très très difficiles. C'est joli quand même. Oui. Et justement, ça parle de quoi, si tu sais m'expliquer en quelques mots la chanson, elle parle de quoi? Elle raconte quoi, Revelation of the Sunstorm? La chanson, c'est Revelation of the Sunstorm raconte l'épopée d'un prince déchu. Oui. Ayant choisi l'exil vers des terres arides et hostiles. L'arrivée de l'hiver, l'enfance d'aventure dans le lambe de sa déchéance. Oui. Et il voulait comme trouver autre vie que jamais il n'a pas vu, un peu comme ça. D'accord. Et est-ce que vous êtes déjà en train de peaufiner, de d'écrire ou réaliser des clips pour cet album? Bien sûr, on a déjà fait deux clips, mais avant moi, un chanteur qui déjà chantait avec Beverly, Edouard, enregistré encore un clip, Aria Nocturna. Très très bon travail. Et nous voulons normalement faire pour tous les morceaux, clips. D'accord, ok. Et vous allez faire vous allez commencer à tourner. Moi, je sais bien que Waverly, quand ils tournent, ils font des mises en scène, des décorations sur la scène. Est-ce que vous avez déjà une petite idée pour tout ce qui est backdrop, des choses comme ça pour l'album? J'ai grande confiance de Edouard et Julien. Moi, je même pense pas donner quelques conseils parce que tout ce qu'il fait, c'est magnifique. Et toutes les décorations, toutes les choses, la lumière, tout fait par deux frères. Et moi, pas encore, j'ai pas une petite idée. Peut-être plus tard, oui, mais maintenant, non. Moi, je chante et c'est tout. Et justement, donc toi, que penses-tu justement du public français? Moi, j'aime bien le public français parce que peut-être public français un petit peu dur, pas rapidement, accepte pas. Mais si public français aime bien quelque chose, porte très très longtemps. Pour moi, c'est magnifique. J'aime bien le public français. Et même quand je chantais pas metal, je chantais blues ou rock, mais funk rock, public français toujours bien aimé parce que c'est très très bon public pour moi et pays aussi, j'adore. Voilà. En espérant que notre style public français aimera aussi parce que on n'a jamais pas fait concert avec ces groupes. Moi, j'ai jamais pas fait et en espérant. Ok. Je vais te laisser le mot de la fin pour nos auditeurs et les fans. Qu'est-ce que tu voudrais bien leur dire Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais bien leur dire Nous devons faire un maximum bon travail pour notre fin. Je sais pas. Mettre notre corps dans notre chanson, notre travail pour faire plaisir pour notre public. C'est tout. Voilà. Et ben je te remercie Annie d'avoir merci appelé, beaucoup. D'avoir joué. Et voilà, on va s'écouter le titre Revelation of the Snow, of the Sunstorm. Ok. Ok, voilà. Ok, merci. De rien. Bye bye. Au revoir. Ouais. the windpipe lay. He vanished in a swirl. Break of dawn, gift of learning, the curse of the thousand. Choose the path of everlasting. My shoulders felt heavy with burden. I'll walk the left-hand path, but the price is high, and the reward. Eh ben sincèrement, je kiffe l'album Waverly Line North avec le titre et le titre éponyme de l'album Revelation of the Sunstone. Voilà, on a eu donc Annie qui nous a un petit peu parlé et je tiens encore une fois à la féliciter car c'est très très très dur quand on ne connaît pas la langue de Molière, oui c'est ça, de pouvoir s'exprimer et elle a joué le jeu. Encore une fois, je lui tire mon chapeau. Moi, je vous invite à écouter cet album, à vous le procurer. Et si le groupe passe dans votre région ou même dans votre patelin, hein, allez les voir. Franchement, c'est super, c'est super. Donc il y a Julien Mahé, Annie, la chanteuse, Jérôme et Ed. Voilà, franchement, allez voir. Et j'aime bien en plus l'artwork qui est vraiment bien foutu. Et ouais, elle voilà. Est belle la pochette. J'aime bien. Et en plus, Waverly. C'est, si vous ne connaissez pas, hein. Waverly, c'est un truc que j'adorerais visiter. C'est un vieux sanatorium aux États-Unis qui est hanté. Ah oui, on avait vu une émission voilà, là-dessus. Voilà. Et c'est pour ça, quand je les avais eus la première fois, je leur avais parlé justement un petit peu de ça. J'avais eu le chanteur qui aimait bien parler. On avait un petit peu parlé de ça. C'était assez marrant. Voilà. Le prochain titre qu'on va se jouer juste avant la balade crapuleuse, j'adore la pochette. J'adore la pochette, j'adore le titre de l'album et c'est bien foutu. La pochette, je vous laisse imaginer avec le titre de l'album. Le titre de l'album, ça s'appelle Appetite for Érection. Érection. Appetite for Érection, donc c'est un. Sylvain est choqué dans le studio. Non, je suis pas choqué, mais je dis. Venant de nous, c'est normal. Surtout venant de toi. Voilà. Et donc, si vous imaginez, on voit une fusée. Je pense que monsieur Scream fait une demande. Voilà. On voit une fusée et on voit deux boulets de canon juste au bas de la fusée. C'est vraiment génial. Et le groupe s'appelle Ace, donc plutôt Ace Hungry. Et le titre qu'on va s'écouter, c'est No Way to God Be Done. Et c'est un groupe allemand. C'est pas mal du tout. Franchement, je vous laisse découvrir ça. Et on se retrouvera tout de suite après pour la balade crapuleuse de ce dimanche. Ouh là là là là. Deutschland. Deutschland. C'est des Deutschland. Yeah. Allez, c'est parti. The one that holds your hand in the middle of the night, in the middle of the night, yeah. Let me be the one that knocks you down in the middle of a fight, in the middle of a fight, yeah. When I stand behind your back, when I stand behind your back, let me be the one that fucks you up. Gonna show you who is tough, gonna show you who is tough. Yeah! No way to go back down. Dust, and then turns it into dust. Let me be the one that talks so loud in the middle of the crowd, in the middle of the crowd. Yeah, no way to go back down. Voilà, c'est un peu plus calme quand même que les Guns. Hein. C'est Appetite for Eruption et on s'écoutait le titre, donc No Way to Get Beat Down, et c'est Ice Agree. C'est pas mal, c'est allemand. Oui, c'est sympa. C'est pas mal, c'est un peu rock'n'roll. Alors là, c'est les vieux de la vieille, c'est sorti en 87, en même temps que l'album 1987 de Whitesnake qui avait fait tabac à l'époque, et il était même sorti, si je me souviens bien, le même mois. Et cet album, il est un peu passé, malheureusement, il a été... balayé par l'époque Whitesnake, hein, avec la fameuse chanson It's His Love, et tout le reste qu'il y avait, parce que c'était un putain de bon album, faut dire la vérité. Et il y avait le groupe en même temps TNT qui avait sorti Tell Not Tell, qui était vraiment un album monstrueux, et il y avait Ten Night Lover dessus, donc qui était un rythmé. Mais là j'ai choisi de prendre la balade, pour une balade crapuleuse, et on va s'écouter Child Play, donc de TNT. Et franchement, c'est canon de chez canon, une super balade. On se retrouve tout de suite après. Is rising. Voilà, ça c'était de 1987 hein, quand même. Hein, voilà, c'était TNT avec Child Play, des souvenirs 87. Oui, 87, ben ouais, on avait 19 ans. Enfin, j'avais 19 ans. C'est... Moi j'étais plus jeune. Ça me rajeunit pas quand même. Hein. Oh. Ça me rajeunit pas. Voilà. Là, si vous entendez des boules, bah, c'est des boules, c'est pas c'est le slasher. C'est les boules de slasher. C'est ouais. Le slasher qui fait tomber ses boules. Voilà. Alors, tu as ton deuxième titre. Alors, c'est le groupe Fireland. Ouais. Avec le titre Believe or Die. Believe or Die. Eh oui. Vous avez le choix, là. Vous avez le choix, mais moi, je préfère le bon choix. Je préfère ouais, Believe. Voilà. Je préfère Believe. Je sais pas pourquoi, mais bon. Voilà, la pochette, je sais pas si j'ai mis sur Rive d'Enfer celle-là, je saurais plus dire comme ça. Voilà, voilà. Donc, c'est ton deuxième titre. Comme ça, ouais. On se partage un peu les titres maintenant. On travaille un petit peu comme ça. Mais il y aura toujours la Sylvain Song d'ici une bonne 25 minutes. Hein, un bon 25 minutes. Encore une fois, surprise, surprise, je suppose. Surprise. Voilà. Allez, je te laisse annoncer ton titre. Alors, le groupe Fireland avec Believe or Die. Voilà, c'est parti. Alors donc c'était le groupe Fireland avec le titre Believe or Die. Voilà, et donc c'était un groupe irlandais. Voilà, c'est rare quand même, on a pas des masses des groupes irlandais comme ça. Non. C'est beaucoup, on n'a pas des masses, c'est vrai ça. On devrait un petit peu creuser, on va creuser. Creusons dans l'Irlande, qui doit être un chouette pays quand même, hein, comme ça. Ah, ça doit être très beau l'Irlande. Oui. C'est plein d'Irlandais. Alors, Divine Incorporated, avec l'album s'appelle Salvation, et le titre qu'on va s'écouter, c'est Fallen into Oblivion. Et je vous rappelle que à partir de la semaine prochaine, on écoutera de nouveau la Haute du Père Noël. Ça sera parti pour un mois de folie, hein, le mois de décembre. Pour les cadeaux, les CD, ils arrivent à foison. Les questions sur, on sait même pas sur les questions. Allez, on y va, on téléphonera, on fera les choses. Et n'oubliez pas ce que le slasher vient de me dire. Alors, est-ce que vous avez trouvé la fameuse chanson qui est reprise dans le titre, Saloui Cemetery? Donc du groupe El Royce. Donc nous ici on a trouvé tous en studio. J'espère que vous avez trouvé. Si vous avez trouvé, donc c'est RQC rivedenfer.rqc@gmail.com ou tout simplement sur la page Rive d'Enfer et vous remporterez un CD. Voilà, allez, c'est parti avec Divine Incorporated. Voilà, donc c'était Divine Incorporated avec Fallen to Into Oblivion. C'est encore une petite nouveauté. Le prochain, on va s'écouter Fight the Fight avec The Age, extrait de l'album éponyme Fight the Fight. C'est pas mal non plus. Fight the Fight avec The Age, c'est vraiment bien foutu. C'est, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça, ça crie bien, ça démarre bien. Ça bouge c'est, bien. C'est chouette, c'est sympa tout. C'est sympatouche, c'est sympatoche. Alors le prochain. Alors le prochain, c'est Scarlett, et pas Scarlett O'Hara. Ni Scarlett Johansson. Oh, joli, on voit les connaisseurs. Hein, ça. Il y en a qui sont plus romantiques que d'autres. Ouais, ouais. Ou Scarlett Johansson, Scarlett O'Hara. Scarlett. Oui, voilà. Ouais, ouais, bon, j'arrête. Pour tous les goûts. Raclette, non, ça c'est autre chose. Donc, allez. Scarlett, donc avec le titre Nightborn Fighter. Voilà. Je veux juste rappeler que l'album s'appelle du même titre du groupe, donc Scarlett, si vous cherchez. Je pense qu'il y a la pochette peut-être éventuellement sur la page. Elle a déjà été mise il y a quelques temps, Scarlett. D'accord. On avait déjà les reçu. De toute façon, ils ont leur page. Ouais. Quoique, c'est dur. Lui, il est dur à trouver, Scarlett, je crois. Mais c'est pas mal. Vous allez voir, c'est pas mal. C'est une pochette soft. Sauf tout va dire. D'accord. Allez, vas-y, je te laisse annoncer. Donc, Scarlett avec Nightborn Fighter. Yes! C'était le groupe Scarlett avec le titre Nightborn Fighter. Donc c'est groupe bien. Australien. Ah, des kangourous. Eh ouais. Des kangourous. Et ça, c'est les poteaux aux slasheurs, ça. Les Mercy Kills et tout ça. Donc voilà. Non, mais c'est très bon. Hein. Ouais, Scarlett, toi, ouais, c'est bien. C'est bien. C'est voilà. Moi, c'est ce que je préfère quand des nanas chantent comme ça. Ben. un peu plus rockin, voilà, un peu girl school, Lita Ford, Joan Jett, des choses comme ça, où une voix rock'n'roll et pas des voix au perché, quoi. Voilà. D'ici 5 bonnes minutes, on va retrouver. Non, d'ici exactement 3 minutes 55, on va retrouver la Syd Valsogne, encore une fois, à mon avis, avec. Quelque chose vraiment à l'opposé comme on a l'habitude, hein. Et c'est bien d'ailleurs, c'est chouette. En attendant, on va s'écouter Avon Ford avec Back in Time, c'est pas mal du tout. L'album s'appelle New Beginning et après on se retrouve avec la Syd Valsogne. Chong chong chong. Voilà, donc c'était Avon Ford avec Back in Time. Alors, il est exactement 21h32 à l'horloge du studio et c'est l'heure de la Syd Valsogne. Avec un très jeune groupe. Ah oui, hein? Surtout, c'est les nouveaux, ça. Ah, très, tout très nouveau, jeune. Très jeune. Inconnu au bataillon. J'ai mis papa à l'honneur ce soir. T'as mis papa à l'honneur. Donc, j'ai choisi l'album, enfin, j'ai choisi le groupe Black Sabbath avec l'album Paranoïde. Oui. Ah. et avec la chanson Paranoïde. Comme ouais. Il paraît que ça me va bien. Voilà. Ah bah oui, quand tu penses 70, 46 ans. Ah ouais. 46 oui. ans cet J'étais album. J'étais même pas né. Oui. J'avais 2 ans. Moi non, j'étais pas du tout né. Bah oui, si j'avais 2 ans, t'aurais dû d'être né, hein, toi. Ah là là, il est doué quand même. Tu étais encore au chaud quelque part en papa. Voilà, quelque part, mais très très très au chaud. C'est 46 ans. Eh ouais. Mmh, ouais. Bah oui, c'est. Et je tiens à profiter aussi justement pour te dire. Il y a un livre sur Black Sabbath qui est sorti, qui est vraiment bien foutu. Je vous conseille de l'acquérir si vous voulez voir la tronche. Ouais, c'est le moment des Noël et des Noël. Voilà. Hein. Pensez-y. Pensez-y, franchement, voilà. Allez, je te laisse annoncer ton titre. Alors, Black Sabbath, avec Ozzy, bien sûr, chanteur. Ouais. Et le titre Paranoïde. Tiens, justement, question avant de lancer ton titre. Est-ce que tu as plus, toi qui est on va dire pro-Ozzy, hein, est-ce que tu aimes aussi la période Black Sabbath avec Dio? Bah ouais, je vais te dire oui, ouais, sans plus. Sans plus, tu préfères je vais te dire honnêtement, même Black Sabbath, j'aime bien, ouais. Mais je préfère Ozzy tout seul. Ozzy tout seul. Ouais. Bah Ozzy, si tu nous écoutes, mène-toi le derge pour faire ton album solo, hein, parce qu'il est en préparation. Il est en préparation, là, mais papa a des crises aussi. Hein. Bah oui, il a toujours des crises. voilà. Bah oui, ce titre lui va bien, quoi. Allez, je te laisse annoncer. Là. Voilà, donc Black Sabbath avec le titre Paranoïde. Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylval Song. We'll be right back. Et oui, donc un bon petit Black Sabbath avec l'album Paranoid et le titre Paranoid. Voilà. Quel souvenir. Quel souvenir, je me rappelle, oui. Par contre, je trouve un peu la pochette, un peu, franchement, elle est très kitsch, hein, faut dire la vérité. C'est bien lui. C'est très kitsch, quoi. Je sais pas qu'est-ce qui. Si c'est lequel du membre du groupe qu'il a choisi, et quand est-ce qu'ils l'ont choisi s'ils n'avaient pas pris quelque chose avant, quoi. Certainement pas, enfin. Non, Ozzy, non, jamais. Non, jamais non, de la vie. Don't touch, non. Voilà, c'est un bon choix, comme d'habitude. Toujours une surprise avec Sylvain. Ouais, toujours une petite surprise. Oui. Alors, je vous dis, je vous mets pas à la porte, c'est le groupe qui s'appelle Excite avec Before the End. C'est une petite nouveauté, Into Darkness. C'est le titre de l'album, Before the End. C'est tout de suite, c'est maintenant. Accept the truth we refuse. And we Voilà, bon, ça c'est un peu plus brutal quand même, hein, dans, musicalement. C'est Excite avec Before the End. Le prochain qu'on va s'écouter, c'est Witchery avec Zoroast. Et on se retrouve tout de suite après, les amis. Ben voilà, c'est très court, c'est frais, ça bouge très fort, c'est Witchery avec Zoroast. Voilà, c'est très court, un morceau de 2 minutes 34, oui. Ben, voilà. Alors le prochain, c'est Darkness, la pochette, ouais. Elle est vraiment bien foutue. Darkness... Non, pas le groupe Darkness anglais, c'est un autre groupe, Darkness avec deux S. Ah. Avec Welcome to Pain, l'album s'appelle The Gasoline Solution. Et on va s'écouter donc le titre Welcome to Pain. On se retrouve tout de suite après, les amis. Right. Voilà, un petit passage un peu trashy, Darkness. Welcome ouais. to Pain, The Gasoline Solution, c'est le titre de l'album. Alors là, le prochain groupe qu'on va s'écouter, c'est Dubstroll. Le titre, c'est Nasrat Vam Vzmun. L'album s'appelle Valka et c'est du polonais. C'est un groupe polonais. Ah bah la semaine dernière on s'est passé du Günter Siren, ce qui est un groupe polonais, et là maintenant on va se passer... Oui mais Günter Siren chantait encore en anglais. En anglais oui mais... Là pas, c'est carrément... polonais pur et dur. Du polonais ah. en trash, assez marrant. Et ce qui est marrant c'est qu'on a un grand coucou là de Bucarest. C'est bien, mais merci, on nous écoute du côté de Bucarest. Ah bah là on passe. C'est sympathique, voilà, allez c'est parti avec les Dubstroll. Voilà, donc c'est très spécial, les Dubstroll avec Nastra Vran Jims. Voilà, Nastra Vran Jims. Voilà, c'est du polonais. Alors après le polonais, ben moi j'ai dit on va passer en Allemagne avec avec Drescher avec Dank Fia Nix. C'est de l'allemand tout simplement. On va s'écouter ce titre et on se retrouve tout de suite après. Voilà, on fait un petit peu le tour, comme ça. On a eu de l'espagnol tout à l'heure. L'australien. Et voilà. Allez, c'est parti. Bah on peut dire que c'est très spé quand même, hein, Drescher avec Dank Fia Nixa. Ça me fait penser à un groupe, que d'ailleurs une marque, In Extremo. Ouais, c'est du folk metal. Ouais, du folk. Voilà. Alors les amis, il est bientôt l'heure de se quitter. Nous, on va se quitter avec le groupe OPEF. Avec l'album s'appelle Sorceresse. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine et on commencera la fameuse Hôte du Père Noël. Alors, T'as pas le jingle sur toi? J'ai pas le jingle là sur moi, je l'ai pas sur moi. Les cloches du Père Noël. Bah, ça fait rien, j'essaierai de me secouer, on entendra mes cloches. Ouais. Alors on se retrouve la semaine prochaine, les amis, pour. Voilà, c'est ça, et ça fait bom bom bom à la place de gling gling. Allez, on se quitte avec Opes, Sylvain, on se retrouve la semaine prochaine. Ok, d'accord, Le slasher sera peut-être là ou peut-être pas là, on verra bien. Peut-être, on ne sait pas. Et peut-être. La semaine prochaine est un autre jour. Voilà, on s'écoute, Hera. Ciao, ciao, les amis. Bye bye. Bye.